On l'avait promis, ils sont avec nous. Il s'agit du groupe Twin Twin. Bonjour le groupe Twin Twin. Salut Seb. Salut. Eh bien donc on est en direct avec Patrick et Mini. Alors oui. Le groupe Twin Twin, déjà Twin Twin, c'est un petit mot d'anglais. Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement en anglais justement? Qu'est-ce que ça a comme consonance pour vous Twin Twin? Ça veut dire jumeau. C'est parce que le groupe est composé de moi, enfin Laurent qui parle et mon frère François. En fait depuis toujours, depuis qu'on est petit, on nous appelle les Twins. Ça va les Twins, les Twins et Twins. Donc quand on a monté ce projet, on s'est dit bon, comment on pourrait s'appeler? Et puis on trouvait que ça sonnait bien. Twin Twin, c'est comme un nom de klaxon un peu, c'est marrant, ça fait un son quoi. Alors, le groupe Twin Twin, déjà, est-ce que, voilà, avant de vous décrire un petit peu quel style de musique, est-ce qu'il y a un petit site? Où est-ce qu'on peut vous retrouver déjà? Ils vont sur notre Facebook, Twin Twin Oyer, ou sur notre Instagram, Twin Twin Oyer, pareil, ou sinon ils vont sur YouTube, ils tapent Twin Twin, il y a plein de vidéos, de clips des premiers, du premier album. Là on est en train de taffer sur le deuxième album, donc il y a un bon changement de direction et de style, mais déjà il y a une première étape qu'ils peuvent découvrir sur internet juste en tapant le nom. Twin Twin, vous avez commencé, donc vous êtes les deux frères. Il y a du monde dans le groupe, à combien? Comment ça s'est passé le départ? C'est le tout premier groupe ou vous avez déjà composé d'autres petites choses avant? Ouais, on avait fait d'autres trucs avant, on a fait du cinéma aussi, enfin différentes choses. Moi je faisais du slam avec toute la bande à Grand Corps Malade et compagnie à l'époque où c'était pas encore vraiment connu. Et ensuite on a rencontré Patrick qui est le troisième membre du groupe, et c'est en rencontrant Patrick qu'on a monté le groupe Twin Twin, puisque il avait mon frère François était à la basse et moi j'étais à la voix. Il nous manquait une partie rythmique et Patrick il était au beatbox, donc il faisait toutes les batteries avec la bouche. Oui. Donc on a commencé comme ça à trois de façon très très simple, juste basse, voix et beatbox, et après on a enrichi le projet, on a travaillé avec des boîtes à rythme, avec des batteurs, avec Patrick s'est mis à la guitare aussi, donc voilà, ça a évolué comme ça, mais ça a commencé comme ça très simplement. Très simplement. Et donc là au jour d'aujourd'hui, deux albums. Alors on va dire le premier album, comment s'appelait le titre du premier album? Le premier album s'appelait Vive la vie, c'était vraiment les premières chansons qu'on avait composées. Après on a pas mal tourné, et puis avec ces chansons-là, on a fait un album qui est sorti en 2014. À la fin de cet album, on a fait l'Eurovision, et après l'Eurovision, on a décidé de travailler différemment. Ça nous plaisait pas trop la direction qu'on avait prise, en tout cas dans l'entourage professionnel, etc. Donc on a décidé de partir, et on est parti à New York. D'accord. Voilà, vous êtes reconcentré plus sur la musique qui vous correspondait à l'univers que vous vouliez avoir réellement pour vous. Justement, ce que je te propose juste avant, c'est de revivre un petit moment peut-être fort aussi, je pense, l'Eurovision, avec le titre Moustache que vous aviez interprété, je crois, à cette occasion-là. Ouais. Et ben on écoute un petit extrait de Moustache et on vous reprend juste après sur Arc-en-Ciel. Je me dis j'ai tout pour plaire, j'ai tout pour, j'ai le monde à mes pieds, c'est fou, j'ai tout ce qu'on rêverait d'avoir, j'ai peut-être tout, c'est vrai, mais moi je voulais une moustache. Twin, c'était un petit extrait donc pour revivre ce moment intense. Ça a dû être intense quand même. Il a replongé dans une période drôle pour nous, parce que c'était la fin de l'exploitation du premier album, la fin d'une période, et on nous avait proposé de faire cette émission, l'Eurovision. On connaissait, pour te dire la vérité, on connaissait pas vraiment l'émission, c'est pas forcément ce qu'on regardait, mais c'était pas drôle de le faire. Mais ouais, c'était un moment marrant. C'était cool. C'était fun, quoi. C'était fun, c'était cool. Et comme te disait Laurent, là, on est revenu sur les bases de Twin Twin quand on a commencé dans les squats, et revenir à un son beaucoup plus, et vous allez pouvoir l'entendre d'ici quelques semaines, un son beaucoup plus nerveux, beaucoup plus punk et plus rock. Ben voilà, parce qu'en fait, faut correspondre, je pense, au schéma de la télévision, à ce qu'on vous demande, et c'est vrai que c'est pas facile. Pour vous, un petit groupe, bon, ben voilà, on dit, tiens, on va tenter l'expérience, et puis, ben voilà, je pense revenir un petit peu à ses premiers amours, à la première musique, ce que vous souhaitiez. Et là, le nouvel album qui va sortir avec Sound System. Ça, c'est le nom du premier single qui sort le 2 juin. D'accord. Donc, vous allez voir, il y a un clip qui va sortir avec le premier single. Le titre s'appelle Sound System parce que voilà, on voulait justement revenir aux fondamentaux qui est le son. Oui. Et c'est ce qu'on a fait à New York. On est parti là-bas sans trop connaître de gens. Et puis petit à petit, de fil en aiguille, on a rencontré pas mal de monde. On a joué dans des petits clubs et on a rencontré Gillionner de Major Lazer. Et avec lui, on a donc produit cet album-là. Et là, donc, c'est essentiellement le son réellement que vous allez donner sur l'album. C'est la couleur musicale, l'extrait là qu'on va l'écouter d'ailleurs, hein, le morceau Sound System. C'est vraiment la couleur pure de l'album. C'est vraiment le groupe Twin Twin se révèle avec ça pour vous. Ah bah pour nous, il y a deux. Petit à petit, on va lâcher des titres. Ce premier titre, on a pris un titre très punk parce que c'est vraiment la base du groupe. On est toujours, mais disons qu'au début, ce que les gens n'ont pas forcément entendu, c'est très punk. Et on voulait arriver avec un statement, avec un positionnement fort sur notre tour. Donc on a choisi Sound System pour ça, parce que déjà le message, the only good system is a sound system, le seul bon système c'est un sound system, nous plaisait beaucoup. Et puis je pense que c'est l'actualité. Et en plus, c'est fort et c'est radical. Et on voulait vraiment arriver avec quelque chose de radical. Ensuite, dans l'album, il y a différentes couleurs. Ça va vers le ska, ça va vers le dub, ça va vers le rocksteady, ça va vers le hip-hop et ça se mélange avec le punk. Il y a une de nos références, disons, principales dans ce côté changement de style, c'était Bad Brains, parce qu'ils pouvaient, je sais pas si vous connaissez le groupe Bad Brains, mais en tout cas c'est un groupe mythique américain de punk, et ils mélangeaient comme ça le reggae, le dub, le punk, et disons qu'on a pris un peu exemple là-dessus, quoi. D'accord, eh bien moi je propose tout de suite qu'on s'écoute justement Twin Twin avec Sound System, donc en exclusivité mondiale intergalactique pour Radio Arc-en-Ciel, parce que là il n'est pas encore sorti. Hein. Non, pas encore. Allez, on écoute ça avec le groupe Twin Twin Arc-en-Ciel. Quand on écoute ça, c'est totalement différent par rapport à ce qu'on a eu avant avec Moustache. Ça, il n'y a rien à voir. Ah ouais, là, ça, radical. Là, ça peut faire un petit shot pour certains. Ouais. En fait, moi, je dirais que vous avez fait l'Eurovision pour avoir des sous pour acheter des instruments. Maintenant, vous pouvez jouer et plus fort. On a fait des sous pour passer à la télé. Justement, le parcours, la réalisation de ce nouvel album est tellement original, faite de rencontres tellement originales, que vous en avez fait une web-série. Parlez-nous de cette web-série dont un nouvel épisode sort aujourd'hui, d'ailleurs. On a fait une web-série, en fait. À la base, quand on est parti à New York, on connaissait personne. Donc, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Restons pas en France, peut-être. Allons chercher notre énergie. Allons découvrir d'autres choses. Ça va nous donner de l'inspiration pour continuer notre parcours et puis pour créer de nouveaux sons. Mm-hmm. Donc, on est parti à New York et Patrick avait une petite caméra DV et il filmait tout. Mais bon, à la base, on ne savait pas trop quoi en faire. C'était juste comme ça. C'était parce que il aimait bien filmer et puis on se rendait même pas compte, en fait. Et puis de fil en aiguille, on a donc fait cette aventure, rencontré ces gens, fait ces concerts, rencontré des studios qu'on connaissait pas, finalement rencontré Gillionaire de Major Lazer, commencé à produire l'album. Au début, c'était même pas un album, c'est juste on se rencontre, on commence à faire de la musique. Mmh. Et en rentrant à Paris, on a regardé, Patrick nous a dit, ah, regardez, j'ai filmé, il y a plein de trucs, on a regardé. Et puis les en rushs, fait, c'était génial. C'était tout ce qu'on avait vécu, quoi. Incroyable. Et du coup, on s'est dit, ben, faisons un montage et racontons l'histoire pour que les gens voient un peu qu'est-ce que ça peut être pour un groupe. L'histoire de cet album, l'histoire du groupe, l'histoire de trois gars qui partent et qui construisent un album comme ça, une identité sonore nouvelle et qui essaient de se renouveler. Et puis je trouve que c'est un document marrant à voir pour les gens. Je pense qu'ils sont pas l'habitude de voir comment ça peut se passer de l'intérieur. C'est une belle aventure musicale depuis les coulisses. Exactement. Combien d'épisodes en tout? Il y a 10 épisodes. Là, il y en a 4 qui sont sortis. C'est sur YouTube, sur la chaîne Twin Twin officielle. D'accord. Donc vous allez sur la chaîne et vous voyez, vous allez voir tous les épisodes. Vous pouvez reprendre du numéro 1 pour ceux qui n'ont pas vu. Et ça va aller jusqu'au 10e épisode. Et à la fin de cet épisode, il y aura le premier clip qui va sortir. Donc ce sera le 2 juin. Ah, d'accord. Donc c'est un teaser, en fait. C'est une série qui sert de teaser pour l'album. Voilà, en quelque sorte. Exactement. Et donc le 4e épisode de la mini-série, c'est aujourd'hui. Il vient de sortir. Il est en ligne. Ouais. Donc direction votre chaîne YouTube, la chaîne Twin Twin. Oh yeah. Exactement. Bon boulot. Les Twin Twin. Où est-ce qu'on peut retrouver vos albums? Est-ce que le premier, on peut encore le trouver? Dites-nous un petit peu plus, parce que voilà, si les auditeurs auditrices souhaitent arriver à acheter le deuxième, va falloir attendre un petit peu, mais déjà, on peut acheter encore le premier, peut-être. Non, mais le premier, il est trouvable sur toutes les plateformes, que ce soit iTunes, vous pouvez trouver à la Fnac. Ouais, à la Fnac aussi. Vous pouvez trouver partout, quoi. C'est partout. Nous, on essaye de le télécharger gratuitement. Si vous avez des trucs pirates, allez-y, hein, c'est pas très grave. C'est un premier album, donc. Bah, on n'a pas entendu, mais on note. On coupera au montage. Ah non, on est en direct. Oh, quel dommage. Ouais, c'est bête, là. Non, mais l'album, vous pouvez le trouver partout. Après, nous, on est vraiment concentrés sur les nouveaux morceaux et nous on a un groupe de live à la base, donc c'est un petit thème. Alors bah justement, j'allais vous demander, on parle de web série, on parle de l'album, bien sûr la finalité pour des artistes comme vous, c'est la scène. Y a-t-il des choses qui se profilent? Alors le premier événement live qu'il va y avoir, ça sera le 9 juin, ça sera à Paris par contre, donc pour ceux qui sont à Paris ou qui viennent à Paris, venez le 9 juin, ça sera annoncé partout dès lundi, là on va faire les promos. Ça sera dans un lieu atypique qui s'appelle le Collectif 23. C'est un lieu qu'on va décorer, dans lequel on va inviter plein de gens, plein d'autres artistes, et on va fêter la sortie du premier single en live. Donc les gens pourront aussi découvrir l'album en live avant de le découvrir en vrai. Donc ça sera le 9 juin. Et après, on est en train de travailler sur la tournée, là, donc on vous en dira plus tard. On retrouvera ça dans les rendez-vous événements sur votre page Facebook, je suppose. Vous allez mettre tout ça. Moi, ce que je propose, justement, puisqu'on en parlait du numéro 4, Sound System Twin Twin, la mini-série, pourquoi est-ce qu'on ne s'écouterait pas l'épisode 4? Allez, tout de suite. Ouais, je trouve ça marrant de l'écouter, de l'écouter juste. C'est marrant, parce que c'est une voix qui raconte, au final, on peut, quoi. Eh ben, on y va. Twin Twin, Sound System, l'épisode 4. Ce matin en se réveillant, on a envie de jouer. Mais avant, faut qu'on aille manger un truc. On va aller manger des donuts chez Peter Pan, hein. On prend le métro jusqu'à Nassau. On arrive chez Peter Pan. Et vous n'imaginez pas? Vous n'imaginez rien du tout. La série sur le ghetto, mon gars. On décide de traîner un peu histoire de voir si on rencontre du monde. On a toujours super envie de jouer. François reçoit un texto. Il y a une jam ce soir à Harlem. Pendant qu'on tue le temps, Patrick philosophe. Là, mettre un produit marketing comme les autres. Oh, on est dans le pays des culs refaits. Bam, 777. Il fait rire. On a beaucoup trop marché, alors on décide de prendre le métro. Alors là, je vais tenter d'acheter une carte. English. Get new card. Unlimited ride. 7 days. Credit card. Et merci chérie Coco. On finit par arriver à la jam. Les musiciens sont cool. Après, on rentre chez Lydia. Elle est à l'appart. Elle dit à Patrick qu'il faudrait qu'on profite d'être là pour trouver un producteur et faire notre deuxième album. Ok, maintenant la mission c'est ça, faire notre deuxième album ici. Ça va le faire. Et ben voilà, c'était Twin Twin, l'épisode 4, le petit teaser pour nous mettre en appétit. Alors, les prochaines dates de concert, bien à Paris, il y aura d'autres dates, des tournées prévues à travers toute la France, l'Europe, le monde, pourquoi pas? On est en train de travailler dessus. Pour l'instant, on n'a pas de. On ne peut pas encore annoncer vraiment ce qu'il y a. C'est en train d'être remonté, donc on vous tient au courant. Eh bien, il n'y a pas de souci. Au contraire, nous, on est preneurs. Puis, alors, dès que l'album sort, vous n'hésitez pas. Vous nous appelez, vous nous dites, et puis on diffusera avec l'information et on diffusera les morceaux. Twin Twin, donc on rappelle, on vous retrouve sur votre page Facebook, le YouTube, Instagram, Twitter, enfin tous les petits réseaux, les petits morceaux, on peut vous retrouver. Exactement. Et allez sur YouTube pour voir les petites séries, c'est marrant, c'est cool. Merci beaucoup les gars, bon courage pour la suite. Hein. Et puis bah, merci, merci au courant, merci à vous et puis un big up à Orléans. Eh ben merci, c'est gentil. Merci. À bientôt. À bientôt les gars, bon courage, au revoir. Arc-en-ciel 96.2 La FM en couleur.